Vivante et la Belgique en guerre, c'est pour tout de suite et c'est sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La reine dit, je vais aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Cette semaine, un pouvoir au service des autres. La reine Elisabeth de Belgique se rend sur la rivière Vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier. De la Bavière à la Belgique. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Reine et musicienne. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux. Je l'ai embrassée autant que j'ai pu. J'étais allé chercher la reine et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir. Aujourd'hui, suite de notre série consacrée à Elisabeth de Belgique, grâce à l'ouvrage d'Evra Raskin, paru aux éditions Luc Piret, et grâce également aux archives de la RTBF, qui au cours de plusieurs émissions auront évoqué le cas de la Belgique en plein 14-18. Parmi ces archives, vous entendrez notamment des extraits d'une émission fort originale, où quelques journalistes réunis dans un même lieu retracent sur un ton mi-conteur, mi-acteur, mi-journaliste, un journal de cette guerre, le tout mêlé d'archives, de soldats témoignant des combats ou encore d'historiens, notamment des historiens militaires. Ce deuxième épisode est aujourd'hui intitulé « La Belgique en guerre ». Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier d'Autriche François Ferdinand et sa femme sont assassinés à Sarajevo. L'auteur de l'attentat est un nationaliste serbe, Gabriel Princip. Ce double meurtre annonce la Première Guerre mondiale. Il sera le détonateur du conflit, sans pour autant en être la cause véritable. L'opposition entre les puissances régionales, leur lutte pour le pouvoir politique, territorial, économique et colonial, en constituent les vraies raisons. Princip et ses compagnons, car ils n'étaient pas seuls, sont des sujets autrichiens, mais ce sont des nationalistes serbes. Or, la Serbie n'existe pas comme État depuis longtemps, depuis une trentaine d'années peut-être. Oui, il a fallu que les Serbes, comme tous les peuples des Balkans d'ailleurs, s'arrachent à la domination turque. Oui, mais surtout, la Serbie est un État slave, un jeune État slave, turbulent et courageux, et qui caresse un grand rêve, celui de réunir tous les Slaves du Sud qui appartiennent à l'Empire austro-hongrois, créer en quelque sorte ce qui va devenir plus tard la Yougoslavie. Et c'est là qu'il y a conflit entre la Serbie et l'Autriche. Parce que la monarchie, l'empire austro-hongrois, est composé d'une mosaïque de peuples de nationalités. Et il est impensable pour le gouvernement de Vienne, il est impensable, sous peine d'éclatement, il est impensable de tolérer qu'on vienne les instiguer à la rébellion et à la sécession. C'est précisément ce que fait la Serbie. Elle travaille les Slaves qui appartiennent à l'empire austro-hongrois et elle obtient quelquefois certains résultats. Princip et l'attentat de Sarajevo, c'est un bel exemple. Oui, mais vous croyez vraiment que ce Princip était téléguidé par les gens de Belgrade? Il l'était bel et bien, encore qu'à son procès, il s'en soit lui-même défendu. Accusé, quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Vous reconnaissez-vous coupable? Je ne suis pas criminel, car j'ai supprimé un homme malfaisant. J'ai pensé bien faire. Et l'archiduchesse? Je ne voulais pas la tuer. C'est involontairement que je l'ai tuée. Donc, vous ne vous reconnaissez pas coupable? Non. Quelles sont vos idées? Je suis nationaliste yougoslave et j'aspire à l'union de tous les Yougoslaves sous quelque forme politique que ce soit et à leur délivrance du joug autrichien. C'était votre idéal. Comment pensiez-vous le réaliser? Par la terreur. Vous avez donc tiré avec l'intention de le tuer? Oui. Et je ne le regrette pas car je suis convaincu d'avoir éliminé un fléau et d'avoir accompli une bonne action. C'est à cause de tout cela que le peuple souffre. L'idée de l'attentat a germé en nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui l'avons mise à exécution. Nous avons aimé le peuple. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Y a-t-il un lien direct entre la Belgique et l'attentat de Sarajevo? Non. Mais la mort de l'archiduc autrichien déclenche une réaction en chaîne. L'Autriche, qui a déjà un différend politique avec la Serbie, exige des excuses publiques. la Serbie ne lui donnant que partiellement satisfaction, l'Autriche déclare la guerre. Les différentes alliances en cours entraînent d'autres pays dans le mouvement. L'Autriche est soutenue par l'Allemagne, tandis que la Russie appuie les Serbes. Depuis 1898, la France a un accord d'assistance réciproque avec la Russie, ce qui met l'Autriche et l'Allemagne face à la Serbie, la Russie et la France. La Grande-Bretagne rejoint ce groupe lorsque l'Allemagne envahit la Belgique. Déjà la poudre a parlé. À Joncheray, sur la frontière française, on connaît le premier mort français. Avant de mourir, il a abattu son agresseur allemand. Le premier tué français, le premier tué allemand, se sont entretués. Deux morts en ce soir du 3 août. Et pour toute la guerre, combien ? Mais pourquoi cette invasion de la Belgique ? Le traité des 24 articles prévoit la neutralité du pays. Son indépendance est garantie par la Grande-Bretagne, la France, la Prusse, l'Autriche et la Russie. L'Allemagne demande le passage pour ses troupes. Elle reçoit un refus catégorique de la Belgique. Les alliances existantes ont mis en place toute une série de procédures qui jouent de façon automatique, de façon, disons, mécanique en cas d'agression. Et c'est ça qui a entraîné tout le monde, c'est ce jeu des alliances. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'un côté, en bref, nous avons une alliance Autriche-Allemagne, de l'autre, une alliance France-Russie. Bon, l'Autriche décide d'en découdre avec la Serbie. La Serbie qui vient pourtant d'accepter presque toutes les conditions d'un ultimatum autrichien. Oui, mais l'occasion est trop belle, voyons. Il faut en finir et l'Autriche décide d'envahir la Serbie. Mais il y a la Russie. La Russie qui se considère comme protectrice de tout ce qui est slave. La Russie déclare la guerre à l'Autriche. L'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la Russie. Et la France, alliée de la Russie, déclare la guerre à l'Allemagne. Pardon, le 3 août 1914, c'est bien l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. Ce n'est pas grave que ce soit l'une qui ait déclaré la guerre à l'autre ou l'autre qui déclare la guerre à la première, c'est du pareil au même, c'est exactement la même mécanique. L'Angleterre fait exception. Oh, pas longtemps, puisqu'elle entre dans la guerre le 4 août, le jour de l'invasion de la Belgique. Oui, un jour trop tard, parce qu'il me semble qu'elle a eu tort d'attendre. Si elle avait affirmé sa résolution avant, c'est-à-dire avant le 3 août, peut-être que l'Allemagne aurait réfléchi. Parce que jusqu'à ce moment-là, l'Allemagne pensait que l'Angleterre allait rester neutre, allait rester en dehors du conflit. Et les hésitations anglaises n'ont certainement pas enrayé l'inexorable mécanique. Quoi qu'il en soit, personne n'a vraiment essayé d'enrayer la mécanique. Tous les gouvernements, je ne parle évidemment pas de la Belgique, car la Belgique a simplement supporté les choses, mais tous les gouvernements ont commis la même faute, la même erreur de jugement. Le 4 août 1914, l'armée allemande franchit la frontière belge à Gemenich. L'armée belge retient les Allemands quelque temps, autour de Liège d'abord, de Namur ensuite, mais elle doit bientôt se retirer au nord de la ligne Pervez-Tirlemont. Le 20 août, Bruxelles tombe aux mains des Allemands. Un plan. Il remonte à 1905. Ça s'appelle le plan Schlieffen. Admirable machine. Nous allons les feinter, les Français. Nous allons traverser en masse la Belgique et les attaquer par le côté où ils ne nous attendent pas, c'est-à-dire par le nord. Par le nord, nous allons développer un vaste mouvement tournant. Nous allons racler le Pas-de-Calais, passer à l'ouest de Paris, passer en dessous de Paris, nous ruer vers les Vosges, vers l'est. Alors, l'armée française, encerclée, prise en tenaille, sera réduite en bouillie. C'est d'autant plus certain que ces pauvres Français ne se doutent absolument pas de ce qui les attend, tout occupés qu'ils sont de leur offensive nach Berlin. Croyez-moi, rien ne peut résister au plan Schlieffen. Vive le plan Schlieffen ! Exécution ! Après la chute de Bruxelles, les Allemands progressent en direction de la France. Les troupes belges font obstacle en les attaquant régulièrement à revers à partir des forts anversois. Le commandant en chef allemand décide alors d'attaquer et de raser les forts. Lors de ces rudes combats, l'armée allemande obtient quelques grandes victoires. Les renforts français et anglais essaient vainement de résister, mais ils courent le risque d'être encerclés. Le 2 septembre, l'avant-garde allemande s'arrête devant Senlis et Meaux. Le maréchal Joseph Joffre lance alors une contre-offensive. Ce sera la bataille de la Marne. On va repousser les Allemands. Pierre Miquel, historien. Les Français reculent en ordre. Ce n'est pas une déroute, c'est une retraite. Et il y a un moment où on aperçoit une erreur stratégique du commandement allemand qui tout d'un coup commence à tourner au lieu de marcher sur Paris, tourne vers la gauche pour encercler les armées françaises de l'Est. Et à ce moment-là, l'état-major a l'idée d'attaquer sur le flanc des armées allemandes. Il faut profiter de l'occasion stratégique. Et pour attaquer sur le flanc, le général Joffre va transférer 100 000 hommes qui sont dans l'Est par chemin de fer, des trains qui se succèdent sans arrêt, et les acheminer vers l'Ouest. Et cette 6e armée qui se constitue à l'Ouest avec le général Monory vont attaquer ici sur le champ de bataille de l'Ourcq et repousser les troupes de Von Kluck, faiblement d'ailleurs. À ce moment-là, Von Kluck, qui est très engagé déjà au sud de la Marne, remonte par une marche forcée et à l'état-major allemand, on décide qu'il ne faut plus livrer bataille sur la Marne, qu'il faut se reculer sur l'Aisne. Voilà en peu de mots la bataille de la Marne. L'offensive allemande est enrayée dans le nord-ouest de la France. À l'automne 1914, commence la guerre des tranchées et les combats au corps à corps. Document de la RTBF, témoignage d'anciens soldats belges engagés dans la bataille. Je me dirigeais avec une patrouille vers les premières maisons de Manneken-Zweer lorsque dans un fossé, je vis soudain une ombre grise bondir vers moi et je donnais un grand coup de baïonnette. À ce moment-là, il y eut un cri horrible de bête qu'on égorge et mon fusil me tomba des mains. Et à genoux, tandis que le soldat allemand blessé gémissait « Tötet sie mich nicht, ich bin gewundet ». Ne me tuez pas, je suis blessé. Je pris ma gourde et un peu bêtement lui dis « Wollen Sie trinken ?» La minute la plus atroce, c'est quand le meunier est souvent passé dans la tranchée, première ligne, avec quelqu'un avec lui qui avait sa musette, demi-musette, premier-musette, et alors il distribuait du tabac, des cigarettes, des souvenirs religieux, par exemple, voyez-vous, des médailles, de lourdes, des scapulaires, si vous voulez. Et nous, les anciens n'étaient pas vieux, monsieur. Enfin, ceux qui avaient réussi à en sortir à chaque fois. Voyez ceux qui allaient en mourir. Parce que ceux qui avaient un pressentiment, au lieu de prendre un paquet de cigarettes, prenaient un scapulaire. Parfois deux. Ils se raccrochaient. Et quand on les voyait, voyez-vous, entre copains, on se confiait parfois à celui d'à côté, on dit, tu vois, il n'ira pas loin. Et en effet, monsieur, il n'allait pas loin. Au départ, comme ça, vous aviez les cheveux quand même qui vous remontaient un peu. Hein. On a peur ? Ben, sur le départ, pour le départ, une fois parti, ça va. Et vous savez, on lançait sa baïonnette pour enfourcher celui qui était devant vous, l'Allemand qui était devant vous. Il fallait, avec son pied, mettre, n'est-ce pas, sur la poitrine de, là, pour retirer son fusil. Là, c'était affreux. Thank you. Le 27 septembre 1914, les Allemands assiègent Anvers. Les forts belges ne sont pas de taille à résister. Le 6 octobre, on décide de ne plus défendre la ville et l'arrivée d'environ 2000 fusils et marines anglais n'y change rien. Trente mille soldats belges s'exilent aux Pays-Bas, où ils seront désarmés. Une autre partie des troupes traverse l'Escaut et se retire en direction du Vestok via la Flandre orientale. Ils entendent rejoindre les troupes françaises et anglaises pour éviter que l'armée belge ne soit encerclée. Albert espère amener ses troupes en France plus tard, plus précisément au sud de Dunkerque. Il souhaite que ses troupes récupèrent après le siège d'Anvers et surtout après la marche difficile d'Anvers vers le Vestok. Mais le commandant en chef français s'y oppose. L'armée belge, pour lui, doit rester en Belgique. Je crois qu'il faut remonter plusieurs années en arrière et comprendre l'essence des théories militaires d'avant 1914. Et ces théories militaires ne peuvent, elles, se comprendre que si on se met dans l'ambiance de l'époque, cette époque d'un nationalisme exacerbé, heureusement révolu. En 1910, c'est la théorie du colonel d'artillerie Ferdinand Foch qui est souveraine. Le dogme fondamental de cette théorie, c'est l'offensive à outrance. Peu importe les moyens, les effectifs, le feu de l'ennemi. Et cependant, il est un fait indéniable. C'est que le fantassin de 1910, dans la plaine rase, n'avançait pas plus vite que le fantassin d'Austerlitz ou de Waterloo. Et il était toujours aussi peu protégé. Mais en revanche, la puissance du feu, la cadence du feu, avait centuplé. Dans les principes de guerre de Foch, nous lisons des lignes comme les suivantes. Le corps à corps. Les lauriers de la victoire sont à la pointe des baïonnettes ennemies. C'est là qu'il faut aller les chercher. Trancher la décision à l'arme froide. Avancer en masse par bataillons serrés. On croit rêver, évidemment. Contre ce défi au bon sens, à la puissance du feu, à l'enseignement de l'histoire depuis Waterloo, certains se rebiffent. Le premier qui se rebiffe, c'est le commandant en chef. Du moins, le futur commandant en chef en cas de guerre, le général Michel, vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Il sera balayé par l'opinion publique. Michel était ami de Jaurès. Or, dans la situation de l'époque, un général qui était un ami d'un leader socialiste, n'est-ce pas, c'était considéré comme une infamie. C'est mal vu. Or, Jaurès aussi avait vu clair, le civil Jaurès, dans l'armée nouvelle, bien plus clair que les militaires. Général Michel est balayé et remplacé par Joseph Joffre, qu'on s'est acquis à l'époque à la théorie de l'offensive souveraine. Le 4 août, jour de l'invasion allemande, Albert se présente devant les chambres réunies à Bruxelles. Il est accompagné d'Elisabeth et de ses enfants. Il lance un appel à toute la nation pour qu'elle résiste à l'invasion. Les parlementaires l'applaudissent. Le lendemain, Albert part pour le quartier général de l'armée, dont il assurera le commandement jusqu'à la fin de la guerre. De son côté, Elisabeth soigne les soldats blessés. Elle a fait installer un hôpital de campagne dans le Palais Royal à Bruxelles. L'ambulance du Palais Royal, c'est ainsi qu'on la nomme, se compose de salles pour malades, de 219 lits, d'une salle d'opération, d'une blanchisserie, de douches et de bureaux. La direction en est confiée au médecin Antoine Depage, professeur à l'Université libre de Bruxelles et ami de la famille royale. Eh bien, docteur Depage, c'était un homme un peu spécial. Et sa figure, je pense, est suffisamment connue puisqu'on a vu son portrait un peu partout avec sa barbiche un peu spéciale et surtout son accent un peu spécial qui faisait rire presque tout le monde quand on l'entendait. On aimait d'ailleurs de l'imiter. Mais il n'était pas facile et il était extrêmement sévère pour tout son personnel. Il savait crier, il avait des moments de colère épouvantables, mais tout ça se calmait assez vite en général. C'est alors que la reine s'est dit, il faut absolument faire un centre chirurgical ici à La Panne, donc à environ 9 km du front, puisque la bataille de l'Isère était terminée et que les inondations laissaient supposer qu'il n'y aurait tout de même plus de grande offensive allemande. Et elle a fait appel au docteur Depage, qui avait créé à Calais, un mois auparavant, l'hôpital de la Croix-Rouge Jeanne d'Arc. La reine a donc fait venir le docteur Depage à La Panne et ils se sont mis immédiatement d'accord pour faire un bel hôpital, un centre chirurgical, dans l'hôtel de l'Océan. Le 17 août, les Allemands approchent de Bruxelles. Elisabeth et les enfants déménagent à Anvers. Dans la nuit du 24 au 25 août, la ville d'Anvers est bombardée par un zeppelin. 10 personnes sont tuées. Les enfants royaux sont emmenés en Grande-Bretagne pour des raisons de sécurité. Albert ne pouvant abandonner l'armée, Elisabeth les accompagne seule. Le 31 août, elle part avec la malle Jan Bredel, escortée par une petite flotte de 2 croiseurs britanniques et de 2 torpilleurs. En Angleterre, Elisabeth et ses enfants prennent le train pour Londres et de la gare Victoria pour Basingstoke, dans le Hampshire, où l'hospitalité leur est offerte par le propriétaire du domaine, Lord George Curzon, ancien vice-roi de l'Inde et futur membre du cabinet de guerre britannique. Elisabeth retourne à Anvers le 7 septembre. Son absence n'a donc duré que 7 jours. Elle est porteuse d'un message du Premier ministre anglais, Asquith, destiné aux autorités belges et relatif au sort des réfugiés belges en Grande-Bretagne. Dès lors, Elisabeth redouble d'activité. Elle a des contacts avec des hommes politiques importants, Paul Berryer, ministre de l'Intérieur, François Schollert, président de la Chambre des représentants. Elle rencontre des diplomates et des attachés militaires des puissances alliées. Elle s'entretient avec Winston Churchill, premier lord de l'amirauté britannique. Ses contacts concernent généralement des visites officielles de courtoisie, des rencontres aux réceptions, autres cérémonies au caractère purement informatif. Mais Elisabeth ne reste pas en place. Elle court de droite à gauche, convaincue que son aide est indispensable. Elle entend être impliquée dans toutes les affaires importantes. Le commandant de l'armée a installé des hôpitaux de secours en dehors d'Anvers, dans le but de désengorger l'hôpital militaire. Elisabeth s'y rend presque tous les jours. Une intervention importante. La grande offensive contre les forts d'Anvers le 28 septembre ouvre très rapidement la voie aux Allemands. La question est désormais de savoir si l'armée belge ne doit pas se retirer sur la rive gauche si elle veut leur échapper. Le 2 octobre a lieu une discussion tumultueuse entre Albert et le Premier ministre. Ce dernier apprend à cette occasion que le roi a l'intention de rester à Anvers avec les troupes et de se rendre aux Allemands si nécessaire. Le roi pense que continuer le combat contre l'Allemagne mènera à l'échec, notamment parce que l'aide militaire de la France, garante de l'indépendance de la Belgique, cette aide est insuffisante. Il est profondément convaincu qu'il a rempli son devoir, la Belgique ne s'étant jamais engagée à apporter un soutien militaire à la France ou à la Grande-Bretagne. Mais cette attitude du roi a peut-être une autre explication. Albert est partisan de la théorie selon laquelle la suprématie franco-latine est en train de se terminer, qu'elle va laisser la place à une domination anglo-saxonne. Le souverain en déduit qu'une victoire française est impossible. Raison de plus pour l'armée belge de capituler dans l'attente d'une victoire britannique. Un certain nombre de supérieurs militaires partagent cette opinion. notamment le major Émile Gallet, son conseiller militaire. Le 4 octobre, arrive à Anvers une brigade de fusiliers marins sous les ordres de Winston Churchill. Elle réveille chez certains l'espoir de recevoir un appui massif des Anglais et des Français. Le roi reste très pessimiste quant à l'issue de la guerre. Il n'abandonne pas l'idée de capituler et de se constituer prisonnier. Le premier ministre de Broqueville et le roi ont à plusieurs reprises des explications très rudes à ce sujet. De Broqueville vient même en parler devant le conseil du cabinet. Ce dernier prie le roi de se rendre sur la rive gauche de l'Escaut avec ses troupes dans le but d'éviter qu'il soit fait prisonnier par les Allemands. Contrairement à Émile Gallet, Jules Hinkenbleck pense que l'armée belge doit quitter Anvers pour poursuivre la guerre ailleurs. Après plusieurs tentatives infructueuses auprès du roi, Hinkenbleck s'adresse à la reine. Il réussit à la convaincre. La reine pense en effet que la Belgique doit rester indépendante, que la monarchie ne peut pas disparaître. Elle pense qu'Albert est lié par son serment constitutionnel de 1909. De plus, elle aime sa fonction de reine. Cette fonction lui confère un statut, du pouvoir, du prestige, lui procure un niveau de vie élevé et lui permet de faire de grands voyages. La reine n'est pas prête du tout à abandonner ses prérogatives. La reine sait très bien que son mari souffre régulièrement de dépression nerveuse. N'a-t-il pas voulu refuser la couronne ? Elle considère la volonté d'Albert de capituler comme un moment de faiblesse, contre lequel il faut réagir de toutes ses forces. Le retrait de l'armée belge commence dans la nuit du 6 au 7 octobre. Gloire à vous, armée du peuple belge. Souvenez-vous, devant l'ennemi que vous combattez pour la liberté. Notre épisode était intitulé « La Belgique en guerre ». D'après l'ouvrage « Élisabeth de Belgique » d'Evrard Raskin, paru dans la collection « Voix royale » aux éditions Luc Piré. Soldats, je pars de Bruxelles pour me mettre à votre tête. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « La reine infirmière ». Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Et la voix de Sylvie Nickbart et Jean-Marie Châtaignier. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.